Section 80 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours, tome 3e. Formation des grands états 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 19. Formation territoriale de l'Asie, Timour et le Second Empire mongol de la fin du XIIIe siècle à la fin du XVe, 1270-1405. Première partie, les derniers Gengis Khanides, par Léon Cahin. L'Empire mongol à la fin du XIIIe siècle. Depuis que le parti chinois avait triomphé par l'élection de Mengke puis de Kubilai, l'immense empire mongol tendait à se démembrer en états indépendants. L'empereur de Pékin fut, par la force des choses, amené à laisser se développer de jour en jour l'autonomie de ses représentants en Transoxiane, Perse et Kipchak. Les nouvelles expéditions. Japon, Indochine, Malaisie. Pour ces guerres lointaines, l'empereur de Pékin ne pouvait pas se passer des Chinois. Les généraux mongols de la vieille roche, les grands manœuvriers élevés à l'école de Subutai comme Bayan, qui fut la gloire militaire de la fin du siècle, n'entendaient rien à la marine. Les expéditions au Japon furent des désastres. L'armada de 1274 ne comptait pas moins de 900 vaisseaux qui portaient 70 000 Chinois et Coréens et 30 000 Mongols. Les généraux ne s'entendaient pas, un ouragan dispersa la flotte, des vaisseaux qui furent jetés sur l'île de Ping Ho, personne jamais n'entendit plus parler, racontent les Japonais. Ceux qui purent débarquer au Japon, sans vivre, sans communication, assaillis de toutes parts par les hardis insulaires, durent mettre bas les armes. Les Japonais ne firent pas de quartier aux Chinois. Les Turcs, les Mongols et sans doute aussi les mercenaires occidentaux eurent la vie sauve et furent vendus comme esclaves. Une deuxième expédition avorta même avant le début. La presse pouvait bien réunir des mariniers chinois et coréens, mais ne pouvait les retenir. Ils massacraient leurs gardes chiourmes, désertaient en masse et se faisaient pirates. Il fallut renoncer au Japon. En Yunnan, au Tonkin, en Birmanie, partout où les Mongols avaient accès par terre, la victoire leur resta fidèle. Mais là encore, malgré les succès militaires, l'élément chinois, sans lequel on ne pouvait rien faire de durable, se déroba. Les généraux mongols gagnaient des batailles, prenaient des villes, mais la fièvre et les insolations, plus dangereuses que les flèches des anamites et les éléphants des Birmans, décimaient leurs soldats sibériens, transoxianais, alains et russes. Après chaque conquête, ils demandaient à être rappelés. S'ils restaient, ces hommes du Nord fondaient au soleil. On finit par ne plus s'occuper de l'Indochine. Mais la mainmise des Mongols sur la grande péninsule ne fut pas oubliée par la dynastie chinoise qui leur succéda. La route était tracée. Les Chinois, redevenus maîtres chez eux, la reprirent pour leur compte. Les grandes voies commerciales. Malgré leur échec au Japon et leur mécompte dans l'Indochine et à Java, les Mongols étaient arrivés à la mer. Dès la fin du XIIIe siècle, ils avaient donc trois routes pour communiquer avec l'Occident. Les deux routes de terre, celles de Pelo, Pentapol, sans cesse interceptées par les révoltes des marches, et celles de Nanlo, Hexapol, désormais à la discrétion des sultans de Transoxiane, qui visaient de plus en plus à l'autonomie. En troisième lieu, la vieille route maritime, celle des Chinois et des Arabes entre Canton et l'embouchure de l'Euphrate, par la presqu'île de Malacca, scellant les échelles de l'Inde, conduisant du pays du Khan à celui de son cousin et vassal, l'île Khan de Perse et d'Irak, l'héritier païen des califes. Il devenait plus simple d'aller de la Haute Asie à l'Asie mineure et à la Méditerranée, en traversant la Chine policée et en prenant la mer à Canton, que de risquer la détrousse dans les marches batailleuses ou de subir les douanes et les avanies entre Transoxiane et Perse. La réunion de l'Asie sous une seule domination continentale eut donc ce résultat singulier de rouvrir les routes maritimes au détriment des routes continentales pour la possession desquelles Chinois, puis Turcs et Mongols, luttaient depuis des siècles. L'empire mongol gauchissait vers la Chine et vers la mer, perdant contact avec son véritable point d'appui, le pays entre l'Altaï bleu, les montagnes célestes et la montagne noire, Karadag, la vieille terre des vrais Turcs Kankli. Tant que les sultans de Perse et de Transoxiane resteraient païens, c'est-à-dire neutres en matière religieuse, On pouvait compter qu'entre l'empereur mongol de Chine, désormais bouddhiste, et ses vassaux d'Occident, les rapports seraient loyaux et qu'entre leurs états, les communications resteraient ouvertes et régulières, autant que le permettaient au sud les périls de la mer, au nord par le Nanlo et le Pélo, les hasards de la politique, car entre gens du nord dans les marches et gens du sud en Transoxiane et en Perse, entre ruraux que le transfert de la capitale à Pékin rendait à la vie nomade, et citadins que l'attrait de grandes villes telles que Bokhara et Samarcande réduisait à l'inertie, le vieil antagonisme d'Iran et de Touran renaissait. Les sultans de Transoxiane ne voyaient pas sans jalousie la grandeur de leur cousin, souverain en Perse, héritier du califat, tout puissant au pays de Roum, maître des plus belles voies qui conduisent vers l'Occident, pendant qu'eux-mêmes n'étaient que les gardiens d'un passage disputé sous la main et sous l'œil du Khan. La situation de leurs états les rendait arbitres entre les marches, le Kipchak et la Perse. S'ils devenaient musulmans, si le ferment religieux s'ajoutait au ferment politique, sûrement l'empire mongol était coupé en deux. Révolution religieuse. Décadence du christianisme turc. Triomphe de l'islamisme. Or, l'islam séduisait toutes les vieilles familles iraniennes, et avec elles, les familles turques en possession depuis deux siècles et plus dans le pays. Le christianisme déclinait, en même temps qu'Al-Malik et la Pentapole, où il avait ses capitales spirituelles et ses places d'armes, il devenait une religion urbaine, perdait pied dans les campagnes dévastées. Aux armées mongoles, on ne voyait plus de gens de guerre chrétiens. L'Église latine contribua par son zèle à la ruine du christianisme chez les Turcs. Le nestorianisme, implanté depuis des siècles, avait eu le temps de prendre racine. Il tenait au sol comme une plante nationale, indigène. Le catholicisme romain n'était qu'une religion d'étrangers. Le turc chrétien, converti par un missionnaire latin, entrait dans le giron de l'Église universelle, mais il sortait de l'Union nationale. C'était un déserteur. C'est vers 1292 que le franciscain Jean de Montcorvin, envoyé par le pape Nicolas IV, arrivait en Chine du vivant de l'empereur Kubilai. Le succès de sa mission avait été si grand qu'en 1307, le pape Clément V lui envoya 7 frères mineurs, ayant rang d'évêque, qui devaient sacrer Montcorvin comme archevêque de Khanbalik, Pékin, et primat de tout l'Extrême-Orient. Ils seraient des suffragants. En 1312, Clément V envoya 3 autres suffragants à l'archevêque de Pékin, les frères Thomas, Jérôme et Pierre de Florence. Ce Jérôme fut nommé en 1320 évêque en Crimée. On voit par ce déplacement de l'évêque Jérôme, suffragant à Pékin, que le gouvernement de l'Église latine dans l'Empire mongol était adapté en partie aux relations de l'État suzerain du Khan avec ses vassaux, tels que ceux de Kipchak-Crimée. En 1333, Montcorvin mourait à Ilibalik. Ce fut un Français, ancien professeur de théologie à la faculté de Paris, Nicolas, qui le remplaça. En 1338, une mission franciscaine, ayant pour chef Richard de Bourgogne, se fondait en Pélo, dans le territoire d'Ili, en plein domaine de nestorianisme, compromettant ainsi les chrétiens indigènes, entrant peut-être en conflit avec eux. Le résultat était inévitable. Cette chrétienté fut détruite en 1342. La réaction chinoise contre les Mongols et tout ce qui rappelait leur domination acheva la ruine du christianisme en Chine. François de Podio, envoyé comme légat en Chine avec 12 compagnons, 1371, disparaît sans laisser de traces. Jacques de Florence, 5e évêque de Zaitoun, est massacré en 1362. Le nestorianisme, abandonné à lui-même, aurait peut-être survécu. L'immixtion d'étrangers lui fut également funeste auprès des Turcs et auprès des Chinois. Pendant que le christianisme déclinait, l'islamisme prenait pied. Il choisissait avec un merveilleux coup d'œil son terrain de combat et de conquête, se faisant apostolique en Kipchak, mystique en Transoxiane, politique et littéraire en Perse et dans les marches. En Chine, il céda la place au bouddhisme, courba les Chines, se résigna, ne se mêlant plus que de finances et d'affaires. C'était le seul moyen de vivre. L'islamisme, qu'on prétend si rigide, montra dans l'Asie mongole la plus extraordinaire souplesse. Il sut se prêter à toute besogne, profiter de toute occasion, sans céder un scrupule du dogme. Le redoutable Soudan d'Égypte, Bibars l'arbalétrier, avait compris à merveille le parti qu'il pouvait tirer de l'islam. Dans sa lutte contre les Mongols, soutenu avec toute son âpreté de Kipchak vindicatif, Cet extraordinaire aventurier dépassa l'habileté vulgaire d'un soldat de fortune hardi et rusé. Il eut des éclairs de génie. La conversion soudaine de Bereke, Khan de Kipchak, 1262, et des princes de la maison de Djoudji, plus qu'à demi-chrétienne, serait inexplicable si l'alliance du Kipchak et de l'Égypte contre les sultans mongols de Perse ne l'expliquait. Sans doute, beaucoup de gens de guerre Kipchak, dans la Russie méridionale, étaient musulmans. Mais la famille régnante ne l'était pas. À la même époque où les Mongols et les Turcs de Russie adoptaient l'islam, les Koumans ou Kipchak de Hongrie se convertissaient au christianisme latin. Si les missionnaires qui convertirent à l'islam les Gengiscanides et leurs sujets Kipchak de Russie n'étaient pas les agents de Bibars, du moins ils le servaient fidèlement. Ils ne mettaient pas de retard à l'informer de leur succès, car l'alliance de la Russie mongole et de l'Égypte et la conversion des princes de la maison de Djoudji sont simultanées. Maître au Caire, maître en Syrie, l'aventurier Kipchak, qui avait vaincu les croisés chrétiens avec Saint-Louis et les croisés mongols avec Kitbuka, tenait en réserve des califes de son invention, les livrant au coup des Mongols de Perse quand ils devenaient gênants. Il domestiquait les fanatiques assassins et s'en faisait des tueurs à gages. Il associait humblement le nom du sultan de Kipchak au sien dans la prière publique et conspirait contre lui en protestant de son dévouement aux Kahans païens de Pékin. Avec les Vénitiens, il s'entendait à merveille. Les connaissait bien, lui, l'ancien arbalétrier, vendu par leurs marchands d'hommes comme recrue d'outre-mer en Égypte. Aux gens de Kipchak, il conseillait l'alliance byzantine. Par terre et par mer, par ses possessions d'Égypte et de Syrie, par ses alliances de Crimée et de Russie méridionale, de la mer Rouge à la mer Noire, il avait bloqué l'empire mongol de Perse et de Transoxiane, l'avait séparé de l'Occident. Il accaparait à son profit le transit vers la Chine, cherchant à le fixer par voie de terre, à Alep, dans la Syrie centrale par voie de mer, en Égypte par le Caire et Suez. Dès le commencement du XIVe siècle, l'empire du Kipchak fait bande à part, n'a plus pour communiquer avec ses parents d'Extrême-Orient d'autres routes que le nord sauvage et le sud, l'Égypte musulmane, gardienne jalouse des routes de commerce, qui sont aussi les routes du pèlerinage vers la Mecque. Les Soudans d'Égypte deviennent les protecteurs des villes saintes et en même temps les portiers des deux mers. L'Empire mongol au commencement du XIVe siècle. Une carte contemporaine des plus curieuses sert à faire comprendre l'extension de l'Empire mongol et les divisions territoriales de l'Asie au commencement du XIVe siècle. Cette carte, compilée en 1331, faisait partie d'un ouvrage sur les institutions de la dynastie mongole publiée à la même date. Elle peut être considérée comme officielle. Les dépendances occidentales de l'Empire mongol forment sur ce document, enregistré dans les bureaux de Pékin, trois royaumes qui sont désignés par les noms de leurs souverains. Doulai Timur, Durai Timur, fils de Doua Timur, 1321-1331, Bou Saïd, Abou Saïd, 1317-1335, et Yuezubie, Özbeg, Ouzbek, 1312-1342. C'est-à-dire, primo le Jagatai, Sibérie, Turkestan, Transoxiane, avec le Khorasan oriental et l'Afghanistan, moins le pays de Herat. Secondo, la Perse, avec le Seistan et le Beloutchistan, Merv, Balkh, Bost, et l'accès de l'océan Indien, Hormuz et Bahreïn. Tertio, le Kipchak, qui comprend Bouliar, Bolgar, la grande Bulgarie du Volga, puis Alossé, Rossiya, la Russie, Sagila, Solgat, le grand port de Soudak en Crimée, et plus au sud, Kincha, Kipchak, les steppes du Kouban, Alanassé, le pays des Alains, ou Asso, et Sarkossé, la Circassie, le Caucase. À l'ouest de Soudak, la carte ne marque pas de limite, mais elle note Damas, Constantinople, Damiette et le Caire. Fin de la section 80.